Le premier ministre coréen Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 17 courant au palais de Taekwondo à Pyongyang avec Lee Yong-sun, président du comité des compétitions internationales des arts martiaux et président de la Fédération internationale de Taekwondo et d'autres membres de la direction de la fédération participant au 20e championnat mondial de Taekwondo.